Consolez-moi, meurtrie par les souvenirs. Un secours chimérique nourrisson délit. Sombre indifférence, ton âme partance, t'en dirige dans la souffrance. Chaque nuit, il pense au tourment. Sa mémoire meurtrie, sombres les souvenirs. Et l'espoir englouti l'entraîne le déchire. La sombre.